Chapitre 8e. Une nouvelle étoile. Carmela, riche du million qu'elle avait extorqué à son complice, avait une ambition. Elle voulait devenir une de ces femmes privilégiées qui régentent la mode. N'ayant vécu jusqu'à ce jour que dans un milieu où ses aspirations se trouvaient étouffées, elle brûlait de se produire sur une scène où elle pourrait respirer à l'aise sous le triple cortège de sa jeunesse, de sa beauté et de sa richesse. Elle s'était en outre, comme tant d'autres, empanachée d'un nom sonore et d'une particule de contrebande. Que lui manquait-il pour s'emparer du sceptre de l'élégance, le patronage d'un grand nom? La société parisienne, il faut le dire, telle qu'elle existe aujourd'hui, est la même bonne fille, mais encore exige-t-elle que les convenances soient respectées. La créole, avec son tact hors ligne, avait compris que le nom de Clodion serait pour elle le meilleur des passeports, et partant de là, elle était allée habiter un hôtel voisin de celui de José. Ce n'était pas tout. Elle avait eu la précaution de fabriquer et de faire mettre en circulation, afin d'expliquer l'origine de sa fortune, un petit roman très vraisemblable que jeune duc de Clodion, étreint dans ses griffes, certifierait véridique. Ce roman était d'une simplicité que le chevalier de Florian n'eût pas désavouée. Marié à 17 ans à un noble hidalgo qui exploitait en Californie des mines d'argent dans lesquelles il avait récolté plusieurs millions, Madame de San Luco était veuve depuis 2 ans. Son deuil expiré, pareil à Calypso, qui ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse, elle avait cherché dans des voyages lointains un adoucissement à sa profonde douleur, et c'était à la suite de ces voyages qu'elle était venue planter sa tente à Paris, cet Eldorado de toutes les distractions et de tous les plaisirs. On doit comprendre dès lors que Carmela avait un double but en contraignant son infidèle adorateur à abandonner la duchesse, se venger de lui d'abord et ensuite se servir de son nom pour conquérir une place parmi les reines du monde parisien. Don José habitait Paris depuis une semaine, lorsque Madame de San Luco lui dit, entre un regard et un sourire des plus enchanteurs, qu'elle désirait qu'il se fît recevoir dans un cercle qui était cité à bon droit comme l'un des plus aristocratiques de Paris. Pourquoi cette nouvelle fantaisie ? Lui répondit sèchement le bâtard. Elle est on ne peut plus raisonnable, reprit Carmela. Le cercle dont je vous parle enferme le dessus du panier de la jeunesse dorée du jour, et le nomme même certains personnages bien posés dans le monde officiel qui en font partie. Avec votre nom, vous serez admis d'emblée et par acclamation. On nous a rencontrés 3 fois ensemble au bois ou dans les théâtres, et vos nouveaux amis ne manqueront pas de vous questionner au sujet de la belle étrangère que vous honorez de votre amitié. Vous leur réciterez, en l'enjolivant, mon petit roman de veuve d'un riche espagnol. Il n'en faudra pas plus pour piquer la curiosité, et l'on vous demandera de m'être présenté. Les hommes sont, vous le savez, comme les moutons de Panurge. Lorsque l'un d'eux aura franchi les portes de mon salon, tous les autres accourront à la queue leu-leu. Je donnerai des fêtes, des soupers, et avant 3 mois, je serai passé à l'état d'étoile de première grandeur. José, qui se trouvait déjà trop mis en évidence par les manèges de Carmela, fit des objections. Il essaya de refuser. L'impérieuse créole lui ferma la bouche avec ces 3 mots. « Je le veux !» Et cette fois encore, comme les autres, il dut obéir. Quelques jours plus tard, il faisait partie du club en question. De son côté, Carmela se préparait au rôle qu'elle voulait jouer. Le 8 ressort de la prétendue Madame de San Luco, attelée à la Daumont, fit sensation au bois, et ses toilettes furent admirées à l'Opéra et au Mardi du Théâtre Français. Ainsi qu'elle l'avait prévu, la curiosité publique s'occupa de la belle étrangère qui rivalisa avec les femmes les plus élégantes du grand monde parisien. D'un autre côté, les camarades du club du faux-duc de Clodion le questionnèrent, et il dut leur réciter le petit boniment qu'elle avait fabriqué. On avait trouvé la créole charmante, on voulut la voir de plus près, et l'on persécuta Don José pour lui être présenté. Carmela avait bien jugé Paris sans le connaître. C'était la terre promise des éclosions spontanées. En quelques semaines, elle avait acquis ses lettres de naturalisation. Son rêve était réalisé, elle avait un salon, on citait ses dîners, et ses soirées faisaient fureur. Assurément, ce n'était pas le rigoriste faubourg Saint-Germain qui formait le fond de la société qu'elle recevait, mais elle se composait de tout ce qui avait un nom dans la vie facile et élégante, ainsi que dans les arts et dans les lettres. La présence presque constante du duc de Clodion chez Madame de San Luco n'avait pas échappé au regard. On avait également relevé que son hôtel n'était séparé de celui de la belle mexicaine que par un simple mur, et lorsque le commérage est sur cette pente, il ne s'arrête pas. Aussi, quelques méchantes langues avaient insinué qu'il pourrait bien exister une porte secrète qui communiquait du voisin chez la voisine. On avait même brodé toute une histoire sur leur prétendue liaison. On racontait sous le chandelier que le jeune duc avait aimé Madame de Saint-Loucau du vivant de son mari, qu'il avait été son consolateur lorsque le riche propriétaire de mine délaissait les yeux noirs de sa femme pour augmenter le nombre de ses lingots. Paris, nous l'avons dit, accepte sans difficulté ces alliances irrégulières à la condition que les apparences soient sauves. Dans les commencements, on jasa bien peu sur l'intimité qu'on supposait exister entre la belle créole et le beau duc, puis au bout de quelques jours, on n'en parla plus. Plusieurs bonnes âmes s'apitoyèrent pareillement sur le sort de la pauvre petite duchesse, reléguée dans un vieux donjon breton planté comme un phare sur le sommet d'une falaise. Mais comme Fernande de Croix-Marie, élevée en province, n'avait jamais paru sur la grande scène du monde parisien, et que par conséquent personne ne la connaissait, elle fut bien vite oubliée. Comment Don José, qui portait à la créole une haine profonde, avait-il pu consentir à accepter ce rôle de Sigisbée? La réponse à cette question est des plus simples, et sans nul doute, on la connaît à l'avance. Carmela le dominait par la terreur qu'elle lui inspirait. Il la savait femme à le perdre. Dut-elle se perdre avec lui, s'il n'obéissait pas à ses moindres volontés, et tout en s'indignant contre lui-même, et en s'accusant de lâcheté, il avait courbé la tête. Ah, comme il payait cher ce nom et cette fortune qu'il avait volée. Séparé de Fernande qu'il adorait, et forcé de vivre presque côte à côte de la créole qu'il abhorrait, son supplice se doublait de son éloignement de l'une et de son rapprochement de l'autre. Si ce n'eût été son amour pour sa femme, il aurait abandonné avec des transports de joie son faux titre, sa richesse usurpée, et il serait retourné en Amérique. Mais cet amour, son autre châtiment, l'enchaînait. Aussitôt arrivé à Paris, et pour tâcher d'apporter quelques diversions au désespoir qui le consumait, il s'était occupé des réparations de son hôtel des Champs-Élysées. Cet hôtel, situé entre cour et jardin, avait été primitivement la petite maison d'un financier qui, ayant voulu renouveler les folies du temps du directoire, s'était complètement ruiné et était mort à l'hôpital. Une chanteuse avait succédé. Elle avait eu le sort de la cigale du bon La Fontaine, et le marquis, jeune alors, avait acheté l'hôtel inoccupé pour en faire ce qu'il nommait sa garçonnière. Cette habitation, où la vie de plaisir avait trôné, était machinée à l'instar des petites maisons de la Régence, portes secrètes qui s'ouvraient par des boutons invisibles, escaliers dérobés, panneaux mobiles, rien n'y manquait. L'hôtel était double, ou pour être plus exact, il n'était séparé d'un hôtel voisin que par un simple mur mitoyen. Les ouvriers qu'employait Don José reconnurent, en enlevant les boiseries, qu'une porte de communication avait existé autrefois entre les deux petites maisons. Carmela, informée de cette circonstance, voulut qu'on ne changeât rien à la construction primitive. José s'y était énergiquement opposé, mais comme toujours, il avait été obligé d'obéir et la porte secrète, habilement dissimulée dans une rainure et qui donnait accès chez la créole au moyen d'un bouton poussé, avait été rétablie. Don José surveillait les réparations de l'hôtel et commandait à l'un des premiers tapissiers de Paris le mobilier qui devait remplacer l'ancien lorsque Pedro Diaz le surprit au milieu de ses diverses occupations. Informé par le marquis de Kerdal de l'arrivée prochaine du Texien à Paris, José avait eu le temps de se préparer à la réception qu'il lui ferait. Pedro, de son côté, avait réglé d'avance la mise en scène de son entrevue. Le jeu des deux acteurs fut si habile, si irréprochable, qu'ils réussirent à se duper réciproquement. Le faux duc reçut l'ex-intendant avec une telle démonstration de joie, et sa voix, ses regards, et jusqu'à ses moindres gestes étaient si semblables à ceux de Jean de Clodion, que Pedro Diaz crut avoir celui-ci devant les yeux. Le bâtard l'interrogea ensuite, et d'un ton ému, sur la mystérieuse disparition de Don José, et lorsqu'il apprit que tout espoir de le retrouver était perdu, sa douleur lui arracha des larmes si vraies, que le brave Texien demeura de plus en plus persuadé que c'était Jean qui lui parlait et qui pleurait. Enfin, le faux duc voulut savoir pourquoi Pedro, qui devait l'accompagner en France, l'avait si brusquement quitté pendant la nuit du campement, près du canyon de Ripas, ce qu'il était devenu et ce qu'il avait fait depuis leur séparation si imprévue. À toutes ces questions, le Texien répondit avec tant de naturel que José sentit bientôt toutes ses craintes s'évanouir. Pedro ne savait rien et ne se doutait de rien. « Et tu n'as jamais soupçonné quelle main a pu te frapper au moment où tu retournais au campement ?» lui demanda Don José, qui, pour remplir jusqu'au bout son rôle de Jean de Clodion, avait tutoyé Pedro depuis le commencement de l'entretien. « Je suis presque certain, monseigneur, que c'est un de ces peaux-rouges qui ont enlevé votre pauvre frère qui m'a gratifié de ce coup de couteau, » répondit l'ex-intendant. « En effet, c'est la seule explication plausible, » repartit le bâtard, puis il ajouta. « Maintenant que tu m'as rejoint, tu ne me quitteras plus, et tu vas sans désemparer entrer en fonction. On t'a pris sans doute au château de mon oncle que je fais réparer et remeubler cet hôtel pour la duchesse, et je te charge de la surveillance des travaux. Tu continueras à être ici l'intendant de ma maison, comme tu l'étais à la hacienda de mon cher et regretté père. « Fort bien, monseigneur, j'aurai l'œil sur tout et sur tous, » dit le Texien. Le bâtard était, on le comprend sans peine, peu enchanté d'introduire Pedro Diaz chez lui, car leur contact journalier allait le contraindre à se tenir sur un qui-vive perpétuel, mais il n'aurait pu, sans éveiller les soupçons de l'ancien serviteur du duc, lui fermer la porte de sa maison. Lorsque Pedro Diaz se fut retiré pour aller s'installer dans la chambre qui lui avait été assignée, il demeura longtemps tout rêveur. Ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu, lui prouvait que c'était bien le vrai duc Jean qu'il venait de quitter, et cependant un pressentiment qu'il ne pouvait s'expliquer lui disait qu'il avait été la dupe d'une comédie habilement jouée. « Que je me trompe ou non, se dit-il, je le surveillerai. » Presque aussitôt après la sortie du Mexicain, la camériste de la créole accourut chez José. « Madame désire parler sur le champ à monsieur le duc, lui dit-elle. « C'est bien, fit le bâtard d'un ton bref. Quelques instants plus tard, il était près de Carmela. « Comment l'entrevue s'est-elle passée ? Lui demanda-t-elle. « Il est persuadé que je suis Jean de Clodion, répondit Don José. « Vous en êtes certain ? J'en suis convaincu. A-t-il prononcé mon nom ? Nullement. Et il n'a fait aucune allusion à ma personne au sujet de cette tentative d'empoisonnement ? Aucune. Ainsi, ce danger que nous redoutions n'est pas à craindre. Tout marche à merveille. Pour vous, oui, mais pour moi. Vous pensez encore à cette mijaurée de duchesse ? C'est assez de m'avoir contraint à l'abandonner, répondit le bâtard, dont les yeux étincelèrent. Ne l'insultez pas, malheureuse, car je vous tuerai, sauf à me tuer ensuite. Après avoir prononcé ces mots, il se leva et sortit. Pauvre innocent, murmura Carmela avec un sourire de dédain, en le voyant s'éloigner. Il voudrait me montrer les ongles, mais je le lui ai coupé. Là-dessus, elle sonna. Rose accourut. Mon Dieu, que s'est-il donc passé, madame ? Dit-elle à sa maîtresse. Monsieur le duc, en vous quittant, avait l'air d'être furieux. Mon enfant, répondit la créole, n'oubliez pas de faire un second couvert. Le duc de Clodion dînait aujourd'hui avec moi. C'est son jour.